Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vraiment toujours de l'exo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Ça va ? Et toi ? Ça va ? Et toi ? Ça va ? Et vous là-bas ? Vous allez bien ? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 365 qui démarre ce soir le 28 février 2018. Oui, c'est pour vous dire qu'on est en direct, voilà. Et c'est une saga spéciale puisque c'est une saga faite par un auditeur. Alors, il est marqué sur le bout de la playlist une émission proposée par Jean-Philippe Fabfort et présentée par Thierry Gallet. Thierry Gallet, c'est moi. Et Jean-Philippe Fabfort, eh bien, change de nom régulièrement. Il s'est appelé Nelson, je ne sais plus comment. Et actuellement, il s'appelle Nelson Hallyday Harrison. Voilà. Il est sur le groupe La Saga des Fabfort, de toute façon. Moi, je l'appelle JP, Jean-Philippe, parce que c'est plus facile pour moi que de retenir les noms qui changent. Et c'est lui, qui est un grand fan de George Harrison, qui a fait toute la playlist de A à Z. Il y a 30 chansons. Je vous cite les 5 premières, comme je fais habituellement. Il y aura Piggies en live, s'il vous plaît, sur Live in Japan de 1991. Il y aura les Beatles, Think for Yourself, sur l'album Rubber Soul en 75. Pour George Harrison aussi, il nous chantera Save the World en 1981 sur l'album Somewhere in England. Une quatrième, allez, les Beatles, Roll Over Beethoven, chanté sur l'album With the Beatles en 1963. Et la cinquième, tiens, on va vous la cacher. On va vous la cacher parce que ça vaut le coup de vous la cacher. Ce sera une démo pour un copain à lui. Un copain à lui qui était batteur. Hein ? Vous voyez, batteur dans le groupe. Dans le groupe qui s'appelle les Beatles. Bon, voilà. J'en dis pas plus. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Vous nous rejoignez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous nous rejoignez également sur Twitter avec le groupe Saga, l'hashtag Saga Fab Four en petites lettres. Et tout va très très bien se passer. Je vous souhaite une excellente soirée. La saga démarre avec les Beatles en live. Enfin, c'est George Harrison plutôt. Et ce titre, extrait de Live in Japan avec son copain Eric Clapton et tout le backband d'Eric Clapton. Piggies sur RIG. Bonne soirée à vous toutes et tous. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais toute cette semaine, tous les animateurs autour du monde qui ont le plaisir de vous présenter une émission sur les Beatles ont fait tous un hommage à George Harrison parce que il est né le 25 février 1943 et il aurait eu 75 ans, là, il y a très, très peu de temps, puisqu'on est le 28. Et il a découvert, enfin, en 98, sa sœur Louise a dit « En fait, tu serais né le 24 février vers 23h50 et des brouettes, donc plus tôt. » Le 24 février. Mais comme pendant les trois quarts, même les 90% de sa carrière, il a cru être né le 25 février, on va se limiter à ça, on va lui dire qu'il est né le 25 février. Voilà, donc bon anniversaire George Harrison. Et cette émission donc est faite pour George Harrison et elle était préparée par Jean-Philippe Fab Four. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Et j'aurai d'autres anecdotes au sujet justement des animateurs radio parce que c'était assez marrant ce week-end. Vous savez que on en parlera dans 3-4 chansons de Lovely Rita, mais les animateurs radio qui font des émissions sur les Beatles, eh bien, j'en ai découvert un ce week-end et en Russie, il a évidemment proposé une spéciale George Harrison et c'était amusant. Bon, je ne connais que deux mots en russe, c'est Tovalich et Yatibia Yublu, un truc comme ça. Et donc, imaginez entendre Tovalich, Popov, Yatibia Yublu, George Harrison et vous entendez une chanson que vous comprenez parce que c'est en anglais et tout le reste du discours, vous ne savez pas du tout de quoi il parle. C'est plutôt marrant. Et ça, c'était samedi dans l'après-midi, je crois. J'ai découvert ça. Je sais que mardi matin, pour nous les Français, il y a eu l'émission à 4h du matin de Michael Honorato aux États-Unis et dans le New Jersey. Ça a été consacré à George Harrison. Je sais que ce soir, à 21h ou 21h30, il y a en Italie Daniele qui va faire une spéciale Harrison. Il me l'a dit en message privé sur Facebook. Et donc, si vous voulez, c'est sur Atom Radio. Je vous donnerai des petits détails si vous voulez. Enfin, allez, disons-le, vous allez sur la plage de Lovely Rita et vous saurez tout sur les animateurs radio qui font des émissions comme ça. C'est très, très, très intéressant d'écouter les autres aussi. Ça donne des idées parfois. Save the World, c'est George Harrison en hommage sur RG. We gotta save the world. Someone else may wanna use it. So far we see this planet's rape, how we've abused it. We gotta save the world. They're like fingers everywhere. We gotta save the whales. Greenpeace, they've tried to defuse it, but dog food salesmen persist unkindly to harpoon it. We gotta save the world. Consortium, they're selling us plutonium. Now you can make your own H-bomb right in the kitchen with your mom. Nuclear power that costs you more than anything you've known before. A prophet's answer to a destruction, greed. We gotta save the world. Someone's children, they may need it. So far we see the big business of extinction lead it. We gotta save the world. Of so few, with evil hearts determined to reduce this planet into hell and find a buyer and make quick sale. To end upon a happy note, by trying to make concrete float, it's very simple knowing. We gotta save the world. Someone else may wanna use it. It's time you knew how close we come. We're gonna lose it. You gotta save. Let's go. Back, back, back, back, back. Sur Facebook, vous êtes rusé parce que vous avez deviné, oui, la démo que George Harrison a faite pour Ringo Starr, c'est la démo de It Don't Come Easy, une chanson de Ringo Starr, mais présentée. J'aimerais avoir la réponse à ça, j'aimerais qu'on puisse me dire oui, c'est comme ça qu'il faisait et peut-être comme ça qu'il fait encore, mais apparemment Ringo avait besoin qu'on lui chante la chanson comme un peu comme ayant un guide vocal, quoi. Donc quand c'était George qui lui préparait une chanson, il lui chantait, quand c'était Jones, il lui chantait, et je suppose que quand c'était Paul ou d'autres, eh bien il faisait la même chose. Voici la version démo de It Don't Come Easy faite par George Harrison sur RG. You know.

Vous êtes bien sur RJ 90.7 pour Bordeaux et www.rjfm.fr pour le reste du monde. Je lis sur le bouquin I'm in Mind de George Harrison une anecdote au sujet de cette chanson. Je le traduis littéralement de l'anglais en direct, donc si c'est pas trop compréhensible, excusez-moi par avance. À l'origine, j'ai écrit All Those Years Ago pour Ringo. C'est évidemment George qui parle. Il préparait un album à ce moment-là et j'avais écrit des paroles légèrement différentes. Il y avait le même refrain, mais les paroles étaient un petit peu plus enjouées. Vous savez, tu as fait ci, tu as fait ça, blablabla, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou pourquoi, mais je pense que Ringo n'a pas fait cette session d'enregistrement ou alors moi j'avais pas terminé la chanson. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé à John et j'ai immédiatement changé les paroles et j'ai fait une chanson à propos de John, spécialement à propos de lui. Et il a donc invité Paul et Ringo et qui sont venus évidemment pour chanter ça et ça a fait un hit en 1981. C'était mérité, c'était une très belle chanson pour se rappeler de John Lennon. Voilà, sur ce bel album de Somewhere in England, il y a également une autre chanson qui est absolument fantastique, c'est une reprise. Et alors je ne sais pas si c'est la meilleure chanson de l'album, en tout cas c'est l'une de celles que je préfère de l'album, c'est Baltimore Oriole et c'est maintenant sur RIG. Like, oh. pour faire plaisir à Jean-Philippe, j'ai travaillé cet après-midi, enfin pas cet après-midi, c'était hier ou avant-hier, pour cette émission spécialement, parce que nous allons écouter une chanson du groupe Traveling Wilburys. Comment est né le groupe Traveling Wilburys? Eh bien, je vous donne un petit rappel d'abord. George Harrison travaillait avec Jeff Lynne sur son album Cloud Nine en 1987 et lui est arrivé de dire « We'll bury it later ». En gros, on foutra ça à la poubelle plus tard. Quand il faisait quelque chose, parce que George Harrison et Jeff Lynne étaient les producteurs de cet album, Cloud Nine. Hein. On est d'accord, vous me suivez. Comme tout le monde le sait, l'album, cet album-là, Cloud Nine, marque le retour de George au premier plan. Début 88, la compagnie de disques de George lui demande de faire une face B pour le 45 tours This Is Love. Alors, George demande à Bob Dylan d'utiliser son studio à Malibu pour enregistrer cette future chanson. Jeff Lynne travaillait, on est en 1988, il n'était plus sur l'album de George Harrison, il travaillait avec Roy Orbison pour son futur album à lui. George les emmène, lui, Jeff et Roy, et passe chez Tom Petty, chez qui il avait oublié une guitare. Vous suivez ? Pour l'instant, on est à George, Jeff, Roy et Tom qui arrivent. Voilà donc une bande de copains, George, Jeff, Roy et Tom, chez Bob, en train de faire un joyeux bœuf qui tourne autour d'une idée. George voit un carton sur lequel il est écrit « Handle with care », ce qui correspond à « fragile chez nous », mais qui est donc à porter avec précaution. Finalement, Handle With Care est détourné de sa destination originelle, la face B, puisqu'on juge que cette chanson est trop précieuse. Et elle devient la première pièce d'un album écrit par les cinq complices, principalement Dylan et Harrison d'ailleurs, et enregistré finalement chez Dave Stewart. Eurythmics. Voilà. Le premier nom qui vient à l'esprit en se souvenant de la phrase qu'il disait régulièrement à Jeff, je vous rappelle, We'll bury it later, est Trembling Wilburys, qui rapidement devient Traveling Wilburys, et il décide d'apparaître sous des pseudonymes. Aucun ego n'est accepté. Pour le premier album, Jeff Lynne et Otis Wilbury, George Harrison et Nelson Wilbury, Tom Petty, Charlie T. Jr., pourquoi pas Wilbury, ça c'est un mystère, Roy Orbison et Lefty Wilbury, et Bob Dylan et... Ah, tiens, j'ai marqué, et Lefty Wilbury aussi, donc il y a une erreur. Alors à vous de me dire lequel, Roy Orbison et Lefty, et Bob Dylan, et quelqu'un d'autre certainement, j'ai marqué deux fois Lefty, je ne sais pas pourquoi, c'est un bug de moi-même. On va écouter une chanson extraite de ce premier album de 88, c'est Maxine sur RIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Coming through here again, Maxine. l'avantage de Facebook, c'est quand même génial, hein, parce que grâce à vous, voilà, j'ai dit Roy Orbison et Lefty et Bob Dylan et Lefty, j'ai dû me tromper, ben oui, vous m'avez dit oui, Bob Dylan c'est Lucky. Bon, et ben voilà, Bob Dylan c'est Lucky Wilbury. Et je vous propose déjà, parce que c'est Jean-Philippe qui a choisi cela, déjà la cover. Alors, vous savez, la cover c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit en tant que Beatles ou en solo, c'est pas grave. Du moment qu'ils ont repris une chanson, ça peut être un artiste connu ou pas qui a repris cette chanson. Ça peut être également les Beatles qui reprennent une chanson, par exemple de Little Richard, par exemple, c'est une cover. Et peut-être vous qui avez chanté la chanson, ça peut arriver, pourquoi pas. Et bien là, c'est Norah Jones sur l'album George Fest, un excellent album, en live s'il vous plaît, qui nous chante Something. Et c'est sur RIG, dans la saga des Fab Four, spécial George Harrison. must be leaving. It isn't always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. None of life's dreams can last. So one must be on the way to face another day. Now the darkness only lasts nighttime. Nathalie a parfaitement raison sur Facebook. Elle dit elle aurait pu faire partie du répertoire des Beatles, cette chanson All Things Must Pass. Mais oui, et d'ailleurs, elle a été préparée, travaillée, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec les Beatles, pour finalement de se faire entendre un truc du genre « Ouais, mais on n'a plus de place, alors on va pas la mettre sur l'album, là, parce qu'on n'a plus le temps, t'as le droit qu'à deux chansons. » Enfin, c'est moi qui dis ça, évidemment, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais du coup, George, il a gardé de côté. Et en 1970, comme dit José, il est sorti de l'ombre avec son superbe album, c'est un album All Things Must Pass, avec des chansons qu'il leur est destiné aux Beatles et que finalement il a gardé pour lui. Merci George Harrison. Et puis un tout petit mot à Paul McCartney, deux mots d'ailleurs. D'abord, pour ta prochaine tournée en France, s'il te plaît, mais so glad to see you here en entrée de concert, ce serait génial. Et puis, lors de ton hommage à George Harrison, si tu pouvais nous chanter All Things Must Pass, on serait content. Merci Paul. La vie est simple. I love you, you love me. C'est en 1975 sur l'album 33, non, sur l'album Extra Texture and Read All About It. Et c'est George Harrison. Je m'emmène un peu les pédales, je rame un peu ce soir. Mais c'est pas grave, je vous adore. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four. We'll be right back. 90.7, la radio des Beatles, et aujourd'hui, c'est un hommage à George Harrison. Qui rigole. Et vous savez que j'ai découvert récemment que j'avais aussi la version avec George qui ne rigole pas. Et c'est sur un bonus DVD que j'ai déjà, mais que j'avais pas fait attention. Donc maintenant je l'ai et je peux vous la passer quand vous la demandez. Nous avons parlé tout à l'heure, il y a un certain temps, de Handle With Care sur le premier album qui aurait dû être la face B de This Is Love, l'album, enfin le 45 tours extrait de l'album Cloud Nine de George Harrison, et finalement qui deviendra le premier album des Traveling Wilburys. Et bien là voici cette chanson avec Jeff Lynne, Tom Petty and the Heartbreakers et tout ça au concert pour George sur l'hommage à George, cette belle chanson Handle With Care sur RIG. concert. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là-bas, pouvoir voir toutes ces légendes rendre hommage à George Harrison. Ça marchait pleinement, c'était absolument génial. Ça a été organisé en grande partie par Eric Clapton. Et merci, merci, merci. Plus cool, par deux fois. Extrait de Magic on Mystery Tour, Flying, et ensuite Blue Jay Way sur RIG. bien plané, hein. Avec George Harrison et les Beatles, forcément, Blue Jay Way sur RIG 90.7. La chanson suivante, elle date de 1979. Je vous rappelle que toutes les chansons ont été préparées par Jean-Philippe Fab Four, alias Nelson Hallyday Harrison. Je crois que je ne me trompe pas. Et la chanson suivante date de 1979 sur l'album George Harrison, mais elle a été préparée, elle a été créée en 1968 pour l'album blanc, sur lequel elle ne figurera pas. Pourquoi ? Bien probablement parce qu'ils estimaient avoir suffisamment de chansons, une trentaine, c'est déjà pas mal. Et même George Martin, lui, aurait voulu concentrer ça encore et en faire moins. Mais les Beatles ont eu raison, puisque l'album blanc a très très bien marché. Et c'est surtout malheureusement un album qui montre qu'ils se dispersent un peu tous, chacun de leur côté. Bref, cette chanson-là s'appelle Not Guilty, et vous allez voir, il parle des Sith. C'était vraiment l'époque où il... non, pas des Sith pour Star Wars, non, des Sith. C'est dans, en Inde, tout ça, que ça se passe. Il en parle dans cette chanson-là, et c'est George Harrison qui chante en 79. Il l'a gardé jusqu'en 1979. Of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Doo-doo. I'm not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Fin des années 70, George Harrison avait trouvé que le monde musical avait changé et c'est ce qui le poussera fin 82 à faire un break de 5 ans. Et il trouvait qu'il n'avait plus le droit d'écrire ce qu'il voulait parce que quelquefois les compagnies disques lui disaient non, ça passera pas en radio, donc fais-nous plutôt un truc comme ça. C'est ce qui l'a poussé à malheureusement sortir des chansons, de belles chansons comme Lay's Head par exemple, de l'album Somewhere in England, Sad Singing aussi je crois, de ce même album, et il a créé pour leur faire plaisir Blood from a Clown, pour leur dire voilà ce que vous voulez de l'argent du sang d'un clown. Finalement c'est une sa forme à lui de pour protester, de faire une chanson plus rythmée pour leur faire plaisir, et également cette chanson là Unconsciousness Rules, qui n'est pas forcément facile à dire, mais des règles complètement inconscientes, c'est la façon de George Harrison de dire vous me cassez les pieds. Néanmoins, c'est une chanson très sympa sur l'album Somewhere in England de 1981. Vous êtes sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. Dance at the discotheque. That's why you look. while you're back in your cage. He got out on the stage with the unconsciousness rules. You got yourself in a bind. Then you go back on the floor. Nothing can stand in your way. J'aime bien notre spécial George Harrison pour fêter les 75 ans qu'il aurait eu le 25 février 2018, mais qu'il n'aura hélas jamais. En 1976, il a voulu rendre hommage à une de ses idoles, Smokey Robinson, avec ce titre, ce superbe titre, Pure Smokey, sur RIG. Thank you. Jean-Philippe, qui a préparé l'émission, m'a fait plaisir. Il a choisi ma chanson préférée des Beatles. While my guitar gently weeps. Tout le monde monte le son au maximum. Faites-en profiter les voisins. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with Rory Gale. Obligé d'accélérer parce que sinon on n'arrivera jamais au bout de la programmation. À la fin, c'est la réponse. The answers at the end. Extrait. Si je coupe le micro, ça va pas être facile. Extrait de Extra Texture, Read All About It, 1975. Monsieur George Harrison. La playlist a été préparée par Nelson Hallyday Harrison ce soir. Thank you. Avec Last Night. Tout à l'heure, ce sera Eric et son Johnny de A à Z. Pour l'instant, Gontropo 1982, extrait de l'album Gontropo. C'est le maximum de chansons. On va en rester là pour Gontropo et on va passer Joe Brown. That's the way it goes. Extrait de l'album The Concert for George sur abrégé bien sûr. Après, ce sera Wawa. temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Je n'ai pas le temps de passer toutes les chansons malheureusement puisqu'Eric vient juste après et c'est normal qu'on lui rende l'émission à l'heure. Donc voici la dernière. La dernière c'est In the First Place. Cette chanson date de l'album Wonderwall Music. Je suis allé l'acheter exprès pour ce soir. Day begins to crumble. Can't believe my eyes falling down and down and down. It comes as no surprise. I begin to stumble, losing my control. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Je vous fais des grosses bises les filles et je pense surtout à toi à qui je fais un énorme bise encore plus. Pour les autres, contentez-vous de vous poigner de main les gars, ça suffira. Je suis comme ça moi, j'ai été élevé comme ça, c'est comme ça. Et je vous laisse en compagnie d'Eric, qu'on surnomme ici le meilleur. C'est dans quelques instants pour Johnny de A à Z. Salut, ciao, à la prochaine fois.